5 livres de beurre, 4 tranches de jambon, 7 livres de sac poubelle, 8 mètres de sardines, 40 paires d'élastiques roses, 2 grammes de sucre. Une pincée de canard en boîte, quelques rondelles de pantalon, une note en carton, passer à la poste pour arroser les parcs-mètres, une brosse électrique pour le chat. Regonfler les semelles des après-ski, faire semblant d'être mort sur le rond-point en face du poste de police et siffler comme une cocotte minutée qu'ils arrivent. De jambon, 7 livres de sac poubelle, 8 mètres de sardines, 40 paires d'élastique rose, 2 grammes de sucre. Une pincée de canard en boîte, quelques rondelles de pantalon, une note en carton, bâtie à la poste pour arroser les parcs-mètres, une brosse électrique pour le chat. Pretending to be dead on the roundabout opposite the police station and whistling like a pressure cooker dice that they are alive. Ham, 7 pounds of garbage bags, 8 liters of sardines, 40 spares of pink elastic, 2 grams of sugar, a pinch of duck box. A few slices of pants, a sheet of cardboard, go to the station, to water the parking meters, an electric toothbrush for the cat, after I inflate the soles of the skis. Pretending to be dead on the roundabout opposite the police station, and whistling like a pressure cooker dice that they arrive. 5 фунтов сливочного масла, 4 ломтика ветчины, 7 фунтов мешки для мусора, 8 метров сардины, 40 пар розовой эластичной. Грамм сахара, щепотку на окна, несколько ломтиков брюки из картона, перейти на станцию к воду, счетчик времени стоянки, электрическая зубная щетка для кота. После повторного разбивать подошву лишь, притворившись мертвым на кольцевой, напротив полицейского участка, посвистывая, как скороварка кости, они прибывают. De canard en droite, quelques modèles de pantalons.